Cette nuit sur MSN, tu m'as bercé par tes belles paroles de sirène, ton amour, ta beauté. Cette nuit sur MSN, conquis je suis resté, tu étais une reine, et moi je t'ai aimé. Si tu en vaux la peine, j'aimerais m'intéresser à tes joies, à tes peines, de plus près, de plus près. Oh Mathilde, tu es magique, indescriptible, je crois en toi plus qu'en la Bible, mais tu es si inaccessible. Cette nuit sur mon écran, tous tes mots m'ont touché. Comme j'étais élégant, le désir est monté. Cette nuit sur mon écran, cette nuit je voulais, sans hésiter un instant, te prendre sur mon clavier. Si tu en vaux la peine, j'aimerais m'intéresser à tes joies, à tes peines, de plus près, de plus près. Oh Mathilde, tu es puissante, indestructible, et de mon cœur tu es la cible, mais tu es si indisponible. Cette nuit, sur le web, je me sentais seulement, par rapport à toi faible, à toi si différent, perspicace comme un aigle, d'un charme presque sanglant. Oui, cette nuit, sur le web, j'étais ton amant. Si tu en vaux la peine, j'aimerais m'intéresser à tes joies, à tes peines, de plus près, de plus près. Oh Mathilde, tu es sublime, imprévisible, tu es charmante et si sensible, mais notre amour est impossible.